Mais de la rue de l'audace, de la rue de l'ennui. Le petit mec à casquette, la bourgeoise en satin se retrouve pour baiser. À l'angle de la rue de la peine, de la rue des soucis, la jeune veuve sans tête et le vieil orphelin se retrouvent pour rêver. À l'angle de la rue des reproches et de la rue des envies, les hommes bleus à casquette, les loubards du matin se retrouvent pour fumer. À l'angle de la rue de la misère et de la rue du profit, tous les prolos pleins de dettes et les grisonnants hautains se voient pour échanger. Je voudrais être un coin de rue, les tracas qui me guettent ne me souriraient plus. Ça m'éviterait de regarder des culs, le tien peut-être s'il ne m'a appartenu. Tous les ans de ma mémoire ont vécu des oublis, de la prime amourette et des vrais faux copains aux rêves abandonnés. Tous les angles des beaux quartiers, des vieux bouges décrépits, ont longtemps comblé ma tête, unie par les chemins, par les cons opposés. Je voudrais être un coin de rue, les tracas qui me guettent ne me souriraient plus. Ça m'éviterait de regarder les culs, le tien peut-être s'il ne m'a appartenu. Attendez plus à l'angle de la rue des cœurs brisés.